Chapitre 4e. Le phoque en campagne. Dès le lendemain, vêtu d'une belle blouse bleue toute neuve, coiffé d'un large chapeau de feutre et s'appuyant sur une roscane de cornouiller, Mongin se rendait à la mairie de Meudon. Il demanda parler au secrétaire qu'il reçut aussitôt. « Mon bon monsieur, lui dit le vieil inspecteur, je me nomme Jacques Allègre, je suis fermier à Vidouville, dans le département de la Manche, et je suis l'oncle d'un pauvre garçon qui, d'après ce que j'ai appris dernièrement, est mort dans votre commune. J'ai fait prendre son acte mortuaire hier. Aujourd'hui, je viens vous voir pour des éclaircissements. « Lesquels, monsieur ? » demanda le secrétaire. « Voilà. Il est mort, d'après votre papier, rue de Paris, 132 bis. Est-ce qu'il y avait longtemps qu'il demeurait là ?»« Ma foi, répondit le secrétaire, je ne saurais vous dire. C'était la maison de santé du docteur Castel et probablement il y était venu comme malade. Malade de quoi ? Mais comme tous les autres pensionnaires de la maison, tuberculeux. « Tuberculeux !» s'écria l'inspecteur en bondissant. « Tuberculeux, ce n'est pas possible. Il n'y a jamais eu de tuberculeux dans notre famille, monsieur. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'un tuberculeux ?»« Je ne vous dis pas, monsieur, mais enfin. »« Enfin, enfin, je vais voir ce docteur, moi. Je ne veux pas qu'il nous raconte des histoires comme cela. » Il se leva, paraissant en proie à une vive indignation. « Vous ne verrez pas le docteur Castel, » dit le secrétaire, « pour l'excellente raison qu'il a quitté le pays. » Il est parti, et depuis quand donc ? Mais depuis au moins 4 ans et demi, presque 5 ans. Même il a fermé sa maison et s'en est allé. Où cela ? Ma foi, je l'ignore, et je crois que personne ici ne peut le savoir. Et pourquoi a-t-il fermé son établissement ? Il avait hérité, à ce qu'on a raconté. Vous savez, moi, je n'en sais pas davantage. Merci bien, mon bon monsieur. Désolé de vous avoir dérangé. Toutes mes excuses. Oh, il n'y a pas de quoi. S'appuyant sur son bâton, le phoque s'en alla d'un pas lourd, il se disait. Le faux Allègre est mort il y a 5 ans et le docteur, chez lequel il était soigné, a plié bagage quelques mois après. Il doit y avoir une coïncidence entre le décès de cet homme et la fortune subite de l'autre. Quelle peut être cette coïncidence ? Voilà ce qu'il faut savoir.